Devant la terrasse, il y a une petite foule. Des hommes, des femmes, des enfants. Et on entend de grands éclats de rire. Le boulanger, parfaitement ivre, est debout, adossé au tronc d'un platane. Et il parle à Casimir. Ah, du pain, il n'y en a pas. Il n'y a que du pain brûlé. Tu n'as pas fait une autre fournée? Non, il n'a pas eu la force, peu cher. C'est pas que j'ai pas eu la force, c'est que... Tu en feras cet après-midi? Non, ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, en galère. Ouais. Moi, quand je pétrissais, c'était pour ma femme, tu comprends? Voilà. Alors le pain que je faisais, le projet, c'était pour elle. Alors après, comme j'y étais, je faisais du pain pour les autres. Mais c'était pas du pain que je faisais, c'était de l'argent pour elle. Eh bien, elle est partie. Eh bien, alors, j'ai plus besoin d'argent, moi. Et là, il n'y a plus de pain, tu vois. Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Écoute, Maillefer, on ne peut pas faire deux choses à la fois, être en même temps cocu et boulanger. Il se tourne vers l'instituteur. Monsieur l'instituteur, des fois, on croit qu'une personne vous parle, et pas du tout, elle le chante pour une autre. Vous comprenez? Et parfaitement. Allez, venez avec moi. C'est le danger. Danger d'accident. Et accident qui arrive énormément. Mes enfants, les enfants, vous prenez-en de la graine et cultivez-la dans la pépinière. On devrait leur apprendre ça au catéchisme. Amen. Il bénit les enfants. Oui, ce que vous dites est charmant. Mais dites-moi, boulanger, vous ne savez pas ce que nous devrions faire? Non. Eh bien, nous devrions rentrer chez vous. Et là, confortablement installés dans de bons fauteuils, nous barrions encore un bon coup. Ça, c'est une idée. Oui, il y a une bonne idée, hein? Oui. Qu'en dites-vous? Moi, j'en dis... J'en dis que je vois venir Monsieur le Marquis avec son charmant petit Préchi-Précha. Monsieur le Marquis... Je suis très honoré. Chapeau. Monsieur le Marquis. Monsieur le curé, ça, vous n'êtes pas boulanger, ça se voit. Oh, vous n'êtes pas cocu non plus. Quoique ça, on le cherche jamais. C'est le maillot fer qui m'a dit alors. Venez, mon ami. Oui, venez avec nous, allez. Je dis non. Ah, je dis non, monsieur le Marquis. Ce n'est pas pour vous refuser, pour vous désobéir. Parce que je suis le Marquis, je vous salue. J'ai perdu le chapeau. Je vous salue bien bas. Monsieur le Marquis, homme plein de noblesse, plein de bonté et d'écusson. Ah, oui. Homme respecté de toutes les populations. Ah oui, monsieur le Marquis, moi je vous respecte trop pour laisser dire du mal de toi. Regardez-le, mes enfants, regardez-le, avec sa bonne gueule, là. On dirait un pain de munitions. Ça, c'est un marquis qui fait plaisir à regarder. Des marquis comme toi, il en aurait plein en Angleterre. Merci, boulanger. Tu es vraiment trop aimable. On va prendre un verre. Tu devrais venir te coucher maintenant. Oui. Je crois qu'Antonin a raison. Mais moi, je crois qu'il a parlé trop vite. Voilà, pour une fois que je suis sous. C'est ça, laisser profiter tout le monde. Là, à propos, est-ce que vous savez chanter en italien? Ah non, pourquoi? Oh, c'est très important. Il grimpe péniblement sur le parapet en s'accrochant au tronc d'un platane et il imite un accompagnement de guitare. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, la fave des boulangeros. Il est très fatigué. Le bergero avec la guitare. Et belle ragazza. Bien, voilà. Regarda les moutonis avec moi. Casimir et l'instituteur l'aident à descendre du parapet. Bravo. Et au galop, et hop, c'est pion. Voilà. Enfin, il faut toujours une parenthèse. Permettez, j'ai un mot à dire à Maillefer. Maillefer, tu m'as dit que j'étais cocu. Ouais. Bon. Eh bien, c'est un grade que tu n'auras jamais. Tu pourras suivre toute ta vie l'école des pelotons, des élèves cocus, jamais tu le sauras. parce que pour être cocu, il faut avoir une jolie femme. Et la tienne, mon pauvre Maillefer, elle a plus de poils au menton que de roses au bout des tétons. Mais faites le notaire qu'il parle. Il y a des enfants qui nous écoutent. Mais faites partir les enfants, tout de suite. Levez la voix de Géno. Écoutez-moi, Boulanger. Un peu de pudeur, à cause des enfants. Ah, ne parlez pas des enfants, hein. Parce que si j'en avais eu un, tout ça serait pas arrivé. Hein. Justement, mon ami, nous allons parler de vos malheurs. Oui. Mais pas en public. Non. Entre nous. Ah, mais c'est ça, hein. Entre nous, là. Oui. Hein? Entre nous. Monsieur le marquis, on devrait défendre de parler italien. Et surtout de chanter en italien. Parce que les hommes ne comprennent jamais l'italien. Et les femmes le comprennent toujours. Vous comprenez? Pas tout à fait. Blum, blum, blum, viens garder les moutons avec moi. Oui, et le lendemain matin, vous montez un café chaud, et qu'est-ce que vous trouvez dans le lit, à la place de votre femme? Vous trouvez un traversin. Oui, et ça fait un mystère de plus. Tenez, le pape, hein, le pape qui est italien, ne parle pas italien. Il parle latin, je le sais, moi. Eh bien, pourquoi il ne parle pas italien? Parce que le pape, c'est un brave homme, c'est un honnête homme, c'est un saint homme, et il ne veut pas que les femmes le suivent. Mais enfin, qu'est-ce qu'il aurait dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Que le comprenait l'italien. Hmm? C'est un comble, ça, hein? Et venez, mon ami. Oui, venez, venez, c'est ça, venez. Allez, venons. La belle boulangère! Le marquis et le prêtre ont pris chacun un bras du boulanger. Antonin le pousse par derrière, ils vont le raccompagner chez lui. Moment, j'ai des soucis. Oui, enfin, j'ai des inquiétudes maritales. Vous comprenez, hein? Fort bien. Oh, on s'entend très bien tous les deux. Ce matin, d'ailleurs, vous m'avez eu de deux messes. De deux messes et un sermon. Oh, les deux messes, ça alors, ça... Extraordinaire. Elles sont assemblées un petit peu, mais c'est naturel. Oui, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, parce que, monsieur le marquis, le jeune curé, là, pour les messes, c'est imbattable. Ah, c'est un champion. Hein? J'espère que ces deux messes vous ont fait du bien. Ah, ça, ah, oh, un bien énorme, énorme, énorme. Seulement, alors, le sermon, la vengeresse, le démon, tout ça, alors franchement, là, alors... Vous... Le sermon vous a choqué? Ah, navré, oh, désolé, mais dévasté, parce que avec les femmes, on peut s'attendre à tout, hein. Mais parlons un peu des bergers, hein, les bergers égoïstes à qui vous dites, tiens, tiens, voilà une fougasse, et qui vous prennent tout. Ah. Alors, je disais donc... Il tombe à genoux. Oh! Mais pourquoi elle est partie? Dites, vous croyez qu'elle est chez sa mère? Voyons, et pourquoi pas? Mais alors, maintenant... Elle irait chez sa mère à cheval. Allez, ne pleure pas, va, boulanger. Viens te reposer, oui, viens. Antonin et le marquis le relèvent. Viens, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Ils entrent dans la boulangerie. Et blum, blum, et blum, blum, et blum, blum, blum, et blum, blum. Non, pas dans la chambre, pas dans la chambre, non. Dans ton pétrin, va, dans ton pétrin. Oui. Là. Tenez. Oui. Tenez. Oui. Tu es. Là. Tenez. Là. Tu iras dans la chambre pour voir des fois s'il n'y est pas. Oui.